blanc sourit bon moi. Bon ben tout pour le moins tomber à terre. Y'a un moment moi qu'observe, pas ni un qui l'amour a dansé. Qui ça ouvre? Já sabe, salva a tendemã. Já ilha, já assim, mãe. Mãe, pepa, resiste ou encore. C'est l'amour.